lois ne peuvent donner loi, à qui même les rois ne peuvent donner. Révolutionnaire parce que sensible, I'm Thank you.

supprime sa jeunesse, d'avoir eu enrichi sa maison, si pour n'avoir commis ni crime ou trahison. Les regrets, les ennuis.